sais pas si ça vous fait la même chose, mais quelquefois, au printemps, j'ai l'impression qu'il fait beau partout, sauf au-dessus de ma tête. C'est bien dommage d'arriver à mon âge et de rien faire que regarder les passants. À la terrasse du bar jusqu'à 9h du soir, je passe mon temps à perdre mon temps. Y'a comme un vieil arrosoir pendu à mon cafard, j'ai l'impression qu'il pleut tout le temps. Quelques cacahuètes en guise de castagnettes pour jouer le blues. La nuit qui m'attend, regardez dans le ciel, y'a un vol d'hirondelles. Moi, le printemps m'a coupé les ailes et j'ai ressorti de son placard ma vieille caisse de guitare pour pleurer sur l'amour éternel. Et soudain, elle balance ses hanches dans le silence. Qui s'arrête, cette fille qui passe est bien chouette. Je crois bien que je vais peut-être rester encore un moment. La douceur des îles, le soleil qui brûle sous le vent, les nuits de caresse, les matins de volcan. Je laisse tout ça au monde des vivants. Fini ces folies, je veux rester tout seul un long moment, pouvoir enfin lire mon journal le matin et boire des bières avec mon copain Laurent. Chouette, malgré mon humeur en miettes, le chagrin, ça fait rire les passants. Ouais, que la ville est chouette, malgré mon cœur en miettes, les passants, comme l'amour, ça fout le camp.